الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ف voici notre 26e cours autour du livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala La source abondante et délicieuse dans la critique de certains voix et de certaines croyances. Nous sommes arrêtés à la 6e critique qui est que le groupe d'Al Jama'at Tabligh néglige l'associationnisme en ce qui concerne les adorations. Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous a donné des exemples parmi les têtes du Jama'at al-Ikhwan qui néglige l'associationnisme. Il nous a donné un exemple de Mustafa Sbahi et des exemples de Saïd Houa et aussi auparavant il a posé des questions très gênantes aux frères musulmans et ils doivent y répondre. Et aussi cher dans le dernier passage que nous avons lu a posé une question et a demandé à Saïd Houa de s'assurer de sa chaîne de transmission puisque l'histoire qu'il rapporte c'est une histoire dont la chaîne de transmission la chaîne de transmission est un chrétien. Cette histoire qui relate un petit peu ce soi-disant miracle comme quoi les disciples d'Al Tariq al-Rafa'iya se font frappé dans le dos par une barre de fer qui sort de leur poitrine sans leur faire de mal. والآن شيخ حفظه الله تعالى سيوجه أسئلة لسعيد حوا الذي يمدح هذه الطريقة الرفاعية وهذه الطريقة الصوفية فيقول حفظه الله تعالى ومتع به ونفع به وأدام وأطال عمره في طاعته وثانيا هل مجالس الذكر الصوفي لها مستند من شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم il dit حفظه الله تعالى et deuxièmement est-ce que les invocations soufis et la façon et les assises des invocations soufis il a une source et une origine dans la législation d'Allah عز وجل et dans les actes de ne plus être de Allah alayhim. وثالثا وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سبيل إلى السحر والشعوذة أو أنه الذكر المبتدع منكم يا أصحاب الطريقة الصوفية et troisièmement est-ce que l'invocation qui est légiférée selon la législation d'Allah Azza wa Jal par la voie de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam c'est la voie qui mène à la magie à la sorcellerie ou charlatanisme ou alors c'est votre invocation innovée vous les adeptes de secte soufi. Rabi'an أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محفوظة لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات وأعمال أهل الشطح والزندقة والتخيلات الكاذبة. Quatrièmement, Cheikh attire l'attention et dit les miracles des prophètes عليهم الصلاة والسلام sont préservés من الله عز وجل. Et le musulman, pour les prouver, n'a pas besoin de charlatans, ni de charlatanisme, ni d'actes de pervers, ni d'illusions mensongères pour prouver les miracles du prophète alayhi salatu wa salam. Les miracles du prophète alayhi salatu wa salam sont confirmés min Allah azza wa jal. Khamisan, bil yaman unas min as-saqitin alladhina la yusalluna wa la yasumun yuqalu lahum ta'ana يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل حديدة مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفها الآخر جلاجل فيزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديد ويتركها يغرز الحديدة ويتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر ويمسكون الحيات بأيديهم فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون أنهم يطعنون في بحر ابن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن فاتق الله يا سعيد هكذا الإسلام الذي تزعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك Cinquièmement, Cheikh de leur cité, une secte de pervers et de gens qui ne font pas la prière, qui ne jeûnent pas au Yémen, on les appelle Ta'ana. Certains parmi eux, un parmi ces gens-là, ils prétendent qu'ils s'enfoncent une barre de fer dans l'œil, en bas de l'œil, laquelle il y a des choses qui sont attachées. Et ils prétendent planter ce fer au bas de l'œil, il a laissé comme ça en bas de son œil. Donc ce qu'il voit, celui qui regarde la scène. Et ils attrapent aussi les vipères, les serpents. Est-ce que ces gens qui agissent ainsi, chers de nous poser la question, est-ce que c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal? Et ils disent aussi qu'on les plante là-bas, à côté de la tombe de leur fondateur qui est Bahr ibn Alwan au Yémen, et chers de dire à Saïd, crains Allah, préserve les droits d'Allah, Azza wa Jalla, ya Saïd. Est-ce que c'est ça l'islam que tu prétends défendre dans tes livres? Parce que comme on a vu dans l'éducation, notre éducation spirituelle, il y a beaucoup d'histoires, des miracles, des disciples de secte que rapporte Saïd Houa. Le Cheikh nous a cité celle d'Al Tariq al-Rifa'iya dans la chaîne de transmission. Est un chrétien. سادسا يقول الشيخ حفظه الله تعالى ومتع به ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شطح الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر ومسك النار دليلا على صدق جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام فإنه يلزمك أنك جعلت شطح الصوفية وتخييلاتهم السحرية أصلا ومعجزات الرسل فرعا إذ أن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع ونقول لك افهم إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل مؤيدة بقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية وشطح الصوفية مموه بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشقاوة فإنا لله وإنا إليه راجعون. Sixièmement, Cheikh de dire à Saïd Houa, il apparaît clairement de ton style que tu veux faire que les déviations d'Al Sofia, tu les prends comme preuve pour prendre comme véridique le fait que la poitrine du prophète alayhi salam a été ouverte et le fait d'attraper que les disciples de certains sectes attrapent le feu dans leurs mains, tu veux le mettre comme preuve pour prendre comme véridique comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait le feu pour Ibrahim alayhi salam tempérer ni froid ni chaud, et que ça a été une paix pour Ibrahim alayhi salam. Et cher de lui dire, cela implique que tu as mis Shatahat Sofia et les illusions d'Yal Sofia et la magie d'Yal Sofia une base, et que les miracle du messager alayhi salatu wassalam, tu as fait du miracle du messager alayhi salatu wassalam un détail. Et la base, on sait que le fondement, c'est ça qu'on prend comme preuve pour le détail. Et toi, tu as fait que la base soit, soi-disant, les miracles prétendus d'Al Sophia. Tu les as pris comme base pour prouver que la poitrine de Mohammed alayhi salam a été ouverte. Et pour prouver que le feu a été froid pour Ibrahim alayhi salam. Et Cheikh de lui dire, de dire à Saïd Hawa, tu disons, comprends si tu ne comprends pas que les miracles du prophète alayhi salam sont appuyés par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et les miracles des prophètes alayhi salam se construisent dessus des croyances et une foi, alors que les actes d'Al Sofia, ce ne sont qu'un jeu d'Al Shayatin avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala égare celui qu'il veut égarer et celui qui est attristé. Et nous revenons à Allah. Nous sommes à Allah et nous revenons à Allah. Allahumma ajirna bifadlika min dalali dallin. ووفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين وأعدنا من مضلات الفتن يا رب العالمين آمين. فسعيد حوا هنا بكلامه كالذي يريد أن يجمع بين موسى وفرعون يستدل بالأحوال الشيطانية الخبيثة على صحة آيات الأنبياء وهي أحوال وآيات أجرها الله على أيدي الأنبياء تأييدا لهم تأييدا لهم. كيف يا شيخ حوة يجمع بين هذا وهذا؟ أيجمع بين الظلام والنور؟ أيجمع بين الخبيث والطيب؟ أيجمع بين الضلال والهدى؟ ومن هنا تفهم ويتضح لك الخلط الذي عليه الإخوان المفلسون في أوروبا وأمريكا وغيرها، لأن هذا الخلط أخذوه عن مشائخهم، فجذور هذا الخلط في كتب وتأصيلات منظريهم ومرشديهم. نسأل الله السلامة والعافية. Donc Saïd Houa, dans ce passage que nous a cité Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, il veut réunir entre Moussa et Pharaon. Il prend comme preuve les situations sataniques impures pour prouver la validité des signes et des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que les miracles et les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses prophètes, il leur a donné pour les faire triompher. Comment, ya Saïd Houa, tu peux réunir entre les deux? Est-ce qu'il est possible de réunir entre les ténèbres et la lumière? Est-ce qu'il est possible de réunir entre l'impureté et la bonté? Est-ce qu'il est possible de réunir entre l'égarement et la guidée? De là, frère en Allah Azza wa Jal et sœur en Allah Azza wa Jal, on comprend le mélange et la mixture qu'il y a chez l'Ikhwal Muflisoun à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique ou ailleurs. Ce mélange, ils l'ont pris directement de leurs mashaïkh, de leurs théoriciens, de leurs penseurs, comme ils les appellent. Les racines de ce mélange, non avenant, il est dans le livre et dans les fondements de leurs théoriciens et de leurs guides. وأما عمر التلمساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصه؟ قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه. كنت عمر التلمساني qui était le guide général, c'est-à-dire le guide du monde entier. Il a rapporté dans son livre à lui le martyr du mihrab Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, de la page 225 à la page 226. Il a dit textos ceci. Certains disent que le prophète alayhi salatu wassalam pardonne, fait du'a et demande à Allah azza wa jal durant sa vie quand on vient lui demander. Et moi, il ne m'apparaît pas ce conditionnement dans le verset. Hein? Je ne vois pas la différence entre le fait de demander d'aller chercher le dua chez le prophète alayhi sallam vivant ou mort. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que aller demander au prophète alayhi sallam, hein, de nous faire dua durant sa vie, c'est la même chose que d'aller à côté de sa tombe et lui demander une fois qu'il est mort. La même chose pour lui. Et ça, c'est l'une des têtes, une des plus grandes têtes qui a marqué l'histoire. Hein? L'ikhwan al-muflisoun. Wa yakoulu aydan, lida arani amilu ila al-akhdi bil ra'i al-qa'il anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yastaghfiru hayyan wa mayitan liman ja'ahu qasidan rihabahu al-karim. Wa yakoulu fi nafsit safha, fala da'i ilah. إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء نسأل الله السلامة والعافية. Il dit aussi à la page 226 du même livre Le Martyr du Mihrab Omar bin Khattab رضي الله عنه. Et il dit, c'est pour ça que je vois que je penche vers la vie qui dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour les gens vivants et morts. Tout un chacun qui vient vers le prophète alayhi wa sallam et devant sa tombe, bah, il lui fait dua. Et à la même page, il dit, pourquoi donc de ces cas-là blâmer ceux qui croient en les bienfaits, en les miracles des awliya? Et on blâme ceux qui accourent vers l'Aulia et vers les tombes d'Aulia qui sont purs et de faire dua à côté de ces tombes. Et les miracles d'Aulia, c'est une preuve des miracles des prophètes alayhi salam. Regardez, leur cœur se ressemble, leur point de vue et leurs opinions dans la religion se ressemblent. C'est la même chose qu'il a dit Saïd Houa. Identique. Que ils prennent comme quoi, comme preuve, les miracles, ou les choses surnaturelles que Allah subhanahu wa ta'ala donne à un allié, à un wali, ils les prennent comme preuve pour prouver la véracité des miracles des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les miracles qu'ont les prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont une preuve en soi. Ils n'ont pas besoin de preuve. Wa yaqulu aydan ma nassu. فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم الله المستعان. وهذا طعن في السلفية والسلفين. من ينكر الشرك إلا السلفيين والموحدون. Il dit aussi à la page 231, pourquoi alors toutes ces batailles contre les alliés d'Allah et contre ceux qui les visitent et demandent à côté, ils font des doigts à côté de leur tombe. À qui ils s'adressent? Qui traite de sévère ici? Salafine. Qui blâme l'associationnisme? Salafine. Qui blâme doigts à côté des tombes? Salafine. Ceux qui respectent, hein, Allah et qui respectent la sunna de leur prophète, alayhi sallatu salam, et qui veulent que les gens accomplissent l'adoration pour Allah, azza wa jal. Fahada Omar Talamsani. الذي كان مرشد الإخوان في العالم انظر أخ الإسلام عقيدته فواضح تضييع العقيدة عند هذه الجماعة وهذا لجهله بعقيدة السلف يتفلسف بهذا الكلام وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد فمنظر الإخوان ومرشدوهم يغلب عليهم الجهل بعقيدة السلف ومنهجهم ولذا فإنهم يتفلسفون ويقحمون عقولهم فيما لا مجال للعقل فيه وكيف لا وهم العقلانيون أفراخ المعتزلة ولو أن المرشد العام للعالم الإخواني قرأ الآية وتدبر لقرأ قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول فلو أنهم إذ ظلموا فكلمة إذ لا تفيد الاستمرارية إنما يفيد الاستمرارية كلمة إذا وأما إذ فبمعنى حين يعني في ذلك الوقت فقط والرسول حي موجود فالآية مقيدة وموجود فيها التقييد ولكن ماذا تريد ممن لم يعتنوا بتعلم العقيدة على منهج السلف؟ فالآية تحمل التقييد ولو أنهم اظلموا أي في ذلك الحين، ولكن سبحان الله الهوى والبدعة يعمي القلوب. Et voici, vous avez entendu la parole de Omar Telemsani, qui était le guide général des Ikhwan Muslimin à travers le monde, c'est-à-dire l'autorité suprême des Ikhwan Muslimin. Regardez ses croyances. Il est clair que il y a de la négligence dans sa croyance. Il y a de la négligence dans les croyances de ce groupe. Et le fait qu'il ignore les croyances d'Yel Salaf, il est parti philosophique avec ses paroles. Il n'y a pas dans le verset quelque chose qui prouve que le verset est conditionné pas, on ne demande à Rasulullah que durant sa vie. Les théoriciens, les penseurs et les guides d'Yel Ikhwal Muflisoun, au niveau de la Aqida, ils ont fait faillite. Ils ont faillite. Ils ne maîtrisent pas l'Aqida d'Yel Salaf ni la voie d'Yel Salaf. C'est pour ça qu'ils philosophent, ils dessertent, ils rentrent leur raison là où il ne faut pas. Et ça ne peut pas être autrement parce que eux, ce sont l'école, la continuité de l'école de la raison, puisque eux, ce sont les poussins d'Yel Mu'tazila, qui sont les fondateurs de cette école de la raison. Ici, le guide général d'Yel Ikhwan à travers le monde, Omar Telemsani, avait lu et médité, où il a pris l'explication du Puzayul de la parole de l'Allah, qui dit, et si, au moment où ils ont commis une injustice sur eux-mêmes, ils sont venus vers toi pour leur faire dua, pour demander à Allah, azzawajal, et que tu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, leur fait dua. Ici, au moment, aide, ici, ça veut dire à ce moment-là, et non pas, et cette lettre-là, aide, c'est un terme qui désigne l'instant même. Il n'y a pas de continuité dans le temps. La continuité dans le temps se fait avec une autre lettre, Ida. Ida, c'est la, à cette signification, quand il est dans la phrase, à cette signification, il compte la continuité dans le temps. Ida, c'est le moment même. Ça veut dire si, au moment où ils ont commis une injustice vers eux-mêmes, ils sont venus vers toi, ya Rasulallah, et que tu leur as fait dua. Et que tu leur fasses dua. Mais qu'est-ce que tu veux? Dans la verset, il est conditionné. Mais celui qui n'a pas été éduqué avec une science chez les hommes d'in, dit la voix du puiseur, d'Allah alim, qu'est-ce que tu veux? Celui qui n'a pas pris l'aqida selon la voix d'Yel Salaf, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Le verset, il est dedans le conditionnement. Le verset, du'a d'Yel Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant, et il est conditionné ce verset. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, mais les passions, ainsi que l'innovation aveugle les cœurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fasma' li qawlihi akha al-islam, arani, أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا فهذا رأي الغارقين في التصوف ولا قيمة له عند أهل العلم المحققين فهذا يدل على أن الرجل متشرب بالصوفية فانظر تشابهت قلوبهم فهذا نفس كلام سعيد حواء وياسين رئيس جماعة الياسينيين ومن نحوى نحوهم فهذا الكلام كلام خرافي صوفي غارق في الصوفية وليس بكلام رجل سني صاحب عقيدة سلفية صحيحة. Écoute sa parole. Il dit, c'est pour ça que je me vois penché vers l'opinion, penché vers l'opinion qui dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dua vivant et mort. Mais ça, c'est la voix et c'est l'opinion de ceux qui sont engloutis dans le sophisme. Et ça n'a aucune valeur si les hommes de science sont authentificateurs. Et cela prouve que cet homme, Omar Telemsani, il est engloutis dans le sophisme. Regarde, leurs cœurs se ressemblent. Ce sont les mêmes paroles que dit Saïd Hawa, les mêmes paroles qu'utilise Yassine, le président de la Jamaat Yassinine au Maroc, et ceux qui suivent leur voie. Ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui vit dans le Khurafat et dans le Sofia. Khurafi, Sofi, vit dans les mythes du sophisme. Et cela, ce ne sont pas des paroles d'un homme de la Sunna et de quelqu'un qui a une aqida de ses puissants d'Allah alayhim. وهنا يقصد بالحملة الحملة السلفية والنكير السلفي على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام من تغيضه السلفية فقوله لماذا الحملة على الأولياء وزوارهم والداعي عند قبورهم et dans sa phrase où il dit pourquoi cette compagne sévère il veut dire par la compagne sévère c'est-à-dire la compagne est ce que font les salafis en blâmant l'associationnisme, en orientant les gens qui vont vers les tombes, leur disant « Demandez à Allah, Azza wa Jal, au lieu de demander aux tombes. Hein? » Enfin, cette position, ces paroles, ce sont de quelqu'un, émanent de quelqu'un qui a la haine d'El Salafia. Hein? Et ça, c'est la position. « Fahada mantiq al-khurafiyin, wa huwa nafsu kalam al-jafri » وغيره من الغارقين في التصوف. Et ça, c'est le point de départ de tous ceux qui ont dévié de la voie du plaisir d'Allah et de tous qui vivent sur ceux qui vivent sur les mythes et les histoires à dormir debout. Et ça, c'est la même parole que la parole d'El-Jufri et d'autres parmi ceux qui sont engloutis dans le sophisme. وهؤلاء الخرافيين يعتقدون أن السلفيين يبغضون الأولياء وأنهم يشنون الهجوم على الأولياء فهذا وإخوانه من الرؤوس ما هم إلا تلامذة المدرسة الإخوانية الصوفية الخرافية ولذلك يحمل أفكارها وكيف لا وهو من مرشديها في العالم donc le khurafiyun prétendent ils se prétendent que les salafis détestent les alliés d'Allah Azza wa Jal et que ils attaquent les alliés d'Allah Azza wa Jal. Et Omar Tlemcani et ses frères parmi les têtes, ce sont des élèves de l'école d'El Ikhwaniya qui est baignée, qui baigne dans le soufisme et dans les mythes d'El Sofia. C'est pour ça qu'ils portent ces idées. Ça ne peut pas être autrement parce que c'est le guide général. Et le fondateur était ainsi. Donc tout se transmet. Addam Allahu ajrana laysa fil banna wala ghayril banna. ولا في عمر التلمساني ولا سعيد حوى ولكن عظم الله أجرنا في من يعظمهم من خريج الجامعات الإسلامية فهنا المصيبة العظمى إك الله سبحانه وتعالى nos condoléances c'est pas pour le Benna c'est pas dans le Benna ou dans عمر التلمساني ni dans سعيد حوى ou autre parmi les théoriciens et les chefs de ce groupe. Mais nos condoléances sont pour ceux qui ont été éduqués dans les universités islamiques de Médine et autres, et qui glorifient ces hommes, et qui mettent ces hommes au devant de la scène. Là, notre catastrophe. Là, de là vient notre malheur. وَيَقُولُ الشيخ النجمي نقلا عن العجمي قال العجمي حفظه الله تعالى لم يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام للإخوان المسلمين العجمي dans sa critique ديال الإخوان il dit cette parole الشيخ النجمي le rapport de العجمي dit الله سبحانه وتعالى le préserve عمر التلمساني n'a pas laissé un associationnisme parmi les associationnismes des tombes sans l'autoriser dans cette expression. Dans ce passage qui nous a cité Cheikh Najmi, dedans, il y a l'autorisation de toute forme d'associationnisme qui se pratique à côté des tombes. Hein? Et ça, c'est le guide général d'El Ikhwan. Qu'en est-il des petits? وأقول إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج فما بالك بغيرهم. الشيخ النجمي دو نوزيغ سي مانتنو سا سي لي تيت سا سي لي غيد كونيتيل دي بوتي دي زوغ كي نو سون با لا تيت. وإذا كان هذا هو المدون فما بالك بما لم يدون. Et c'est ça ce qui a été écrit. Qu'en est-il de ce qui n'a pas été écrit, qui se raconte juste entre eux? فليعقل يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وهم يتولون من يبيحون الشرك الأكبر ويبغضون ويحذرون ممن يدافعون عن عقيدة التوحيد. Est-ce que maintenant vont se réveiller et vont revenir à eux-mêmes? Et à leur raison, ceux qui prétendent qu'ils sont sur l'unicité, sur un dogme monothéiste, et qui prennent comme alliés ceux qui autorisent le grand associationnisme, et qui détestent, hein, et qui avertissent contre ceux qui défendent le dogme du monothéisme. ولقد سمعت خبرا لئن صح فهو كارثة عظيمة. سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بكميات كبيرة ويحرقونها، ولئن صح هذا إنه لأمر فظيع، وأخاف على من يفعل هذا أن يكون ردة في حقه، لأن من أحرق كتب التوحيد أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدتهم السيئة فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحارب عقيدة التوحيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ دو نودير j'ai entendu quelque chose, cette chose est valide et avenante, c'est une énorme catastrophe. J'ai entendu que certains de ces voix innovées et ces voix contemporaines achètent les livres qui critiquent leur voix. J'ai de grands nombres de livres, par quantité énorme. Ils les brûlent. Et ils disent, si cette annonce elle est véridique, la situation est dangereuse et je crains pour celui qui agit ainsi d'apostasier. Car le fait de brûler des livres du monothéisme et des livres qui font triompher le dogme du monothéisme, et qui réplique aux associateurs et qui montre le faux des dogmes des associateurs, ceci est considéré comme un acte qui fait triompher le paganisme et qui combat le dogme du monothéisme. Et à Allah nous appartenons et vers Allah nous allons revenir. Et rappelez-vous aussi, qu'est-ce qu'on fait dans les centres de Bruxelles qui sont autour de vous des livres de Cheikh Rabia? Ils sont engloutis dans les caves. Et qu'est-ce qu'on a fait des livres d'El Cheikh Abdelmalik Ramadani? Madarik al-Nadar fi siyasa al-Shar'iyya. Pourquoi tout ça? Parce que Cheikh Abdelmalik Ramadani et le Cheikh Rabé, yubayinouna akhta, bayinou, parce que Cheikh Abdelmalik Ramadani et Cheikh Rabé ont montré les erreurs de leurs emblèmes, que ce soit Sayyid Qutb, l'homme qu'il ne faut pas toucher chez eux, alors qu'il a de ces catastrophes dans les croyances, sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiya, et qu'ils ont montré les erreurs d'Adnan al-Aur, c'est l'emblème des du'at ici à Bruxelles, hein, et autres, Ahmed Sallam et autres. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cache, on bloque, on les enferme, on les met pas à la vente. Sur Bruxelles entière, tu trouves pas une librairie. Une seule. Une pauvre librairie là-bas, rue du Foulon, qui vend ses livres. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا فيقول والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر من هذا الكتاب شهيد المحراب عمر بن الخطاب، وكان التلمساني مرشدا عاما فيها يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض، فالقبور يطاف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله ومن هم الأولياء فيها. العجمي دو كونتينيي دونك سكو نو رابورت الشيخ النجمي حفظه الله تعالى دي العجمي دو كونتينيي دون الوقفات كلا سبحانه وتعالى لو ريكومبونس يل دي تلمساني كوني ناتوريلمون qu'en Égyptoïde a été édité son livre, Le Martyr du Mihrab Omar ibn al-Khattab, que le pays où il a été édité ses livres, son livre, à l'époque où il était guide général des Ikhwan, dans ce pays-là, il y a l'association qui se pratique autour des tombes. Et qu'autour des tombes, on fait des tours, on fait des tawaf autour de ces tombes. Et on demande aux morts qu'il y ait des tombes. Mais qui sont ceux qui sont enterrés dans les tombes? Écoute, Akhal Islam. Inna katiran minhum majmou'atun min az-zanadiqatil mulhidin. Kamtal al-Sayyid al-Badawi. Al-Da'iyatul Fatimi. Al-Batini. الذي لم يحضر صلاة قط والصوفية المحترقين كالشادل والدسق والقناوي وغيرهم في كل قرية. Il dit Cheikh حفظه الله تعالى en rapportant de l'Ajmi, et parmi ces wali qu'on prétend, un grand ensemble ce sont des zanadiqa. Zindiq, c'est l'hypocrite. Les malahida, qui n'ont pas de religion. Comme le Badawi. Le Badawi, c'est un prêcheur fatimite. Il n'a jamais prié. Et les fatimites, ce sont les Ubaydites qui ont massacré les gens de la Sunna et qui prétendent que le Coran et la science a un autre sens caché que seuls eux, ils le connaissent. C'est-à-dire que tous ces savants de la communauté qui sont passés n'ont pas connu la réalité qu'il n'y a que les Ubaydiyin et les Batiniyin qui connaissent le réel sens. Et que tous ces ordres et ces prières, etc., ce ne sont que des signes. Qu'il n'y a que eux qui les déchiffrent. A'oudou billah. Le Badawi, c'est un grand mausolée. C'est énorme en Égypte. Et pourtant, c'est un zindiq, Fatimi, Ubaydi. Et parmi les grandes têtes, des têtes brûlées du sophisme et des extrémismes non sauvés, Shadli, Dasuqi, Qnanu et d'autres dans chaque village. Et il y a des situations qui font rigoler, des situations tristes, qui font pleurer en réalité, mais tellement ils sont aberrantes qu'ils amènent à rigoler de ces histoires. Sid al-Mkhfi, en Afrique du Nord. Sid al-Mkhfi, en Afrique du Nord. Sid al-Mkhfi, le saint caché, inconnu. Inconnu, hein? Similaire à la tombe du soldat inconnu. il semble que dans certaines histoires, dans ces annales de certains annales de l'histoire d'Afrique du Nord, que Hadl Sid al-Mkhfi serait une mule de quelqu'un qui partait au pèlerinage, sa mule est morte et pour ne pas polluer l'atmosphère, il l'a enterré. Et les gens ont passé par la Sid al-Mkhfi, Sid al-Mkhfi, un saint est enterré ici, ils ont commencé à tourner autour d'un mulet. Dans certaines autres versions, c'est un chien, Sid al-Mkhfi. Ça, ce sont des choses qui sont tristes, hein, d'arriver à ce point-là, et de vouer le culte à une tombe dans laquelle il y a un mulet ou il y a un chien. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أيا كان هذا الغير سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك فالكل شرك بالله مناقض للإسلام ثم يتابع فيقول إن هؤلاء هم الأولياء وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين والذي يقول أيضا ما نصه ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم ولئن كان شعور الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد هكذا فإني لا أروج لاتجاه بذاته فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق أقعد أنت تشربوا هناتي في سكر إلا سكر لا سبحان الله وأقول للمتشددين في الإنكار هونا فما هونا ما فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ de nous dire le fait de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un grand associationnisme. N'importe qu'il soit ce autre qu'Allah, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, une pierre, une tombe, ceci annule. Hein, ceci, c'est le grand associationnisme qui fait sortir de l'islam. Et il nous rapporte, continue de nous rapporter ce qu'a écrit Omar Talemsani dans son livre Le Martyr, Omar ibn al-Khattab, le martyr du Mihrab, Omar ibn al-Khattab. Il dit, et ceux-là qui sont les alliés dans leur tombe, vers lequel appelle, parce que Talemsani, il n'y a pas de problème. Appeler les gens à laisser les gens à demander sur les tombes, il n'y a pas de problème. Alors qu'il était le guide de l'Ikhwal Muslimin. Et il dit, c'est-à-dire Talemsani, si mes passions vont avec les alliés, tes passions, maintenant on adore Allah avec les passions, yak. Wala in kana hawaya ma'a awliya illah. Et si mes passions sont avec les alliés de Allah Azza wa Jal, et que je suis attaché à eux, et que je les aime, mon sentiment est rempli de la bonne compagnie et de la réjouissance. Quand je les visite, quand je vais à leur site, à leur mausolée, ceci ne dérange en rien la aqida du monothéisme. Subhanallah. Ceci ne dérange en rien la aqida du monothéisme. Ainsi, il dit. Mais je ne propage pas, je n'appelle pas vers une voie précise. La situation, c'est que tout ça, c'est un goût. Du début jusqu'à la fin, ce n'est qu'une histoire de goût. Est-ce qu'on est en train de boire du café, mettre du sucre, la moins de sucre, là, café au lait, ou là, thé à l'anglaise avec un nuage de lait, ou là, je sais ce que ça veut dire. Il s'agit d'une adoration à l'islam. Tadour, goût. Une histoire, c'est une question de goût. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne te sert pas un café, là. Là, il en va de les choses essentielles dans cette religion. Réservez le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal. Et il dit, je dis aux sévères et aux extrémistes, n'allez pas trop fort dans votre blâme et dans le fait de blâmer. Hein? Parce que dans la situation, il n'y a pas d'associationnisme. Il n'y a pas d'athisme, il n'y a rien. Tout ça, adorer les tombes, demander aux tombes, faire des actes autour des tombes et tant à vos tombes, il n'y a pas d'associationnisme, il n'y a rien. Ce n'est qu'une question de goût. Hein? Poser sur une terrasse de café, ramener le café, non, un peu plus du lait. Hein? Je l'aime comme ça, subhanallah. C'est ça la religion, c'est ça le monothéisme, c'est ça la défense du monothéisme que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers alayhi salatu wassalam. Fal hada ar-rajul ya akhal islam yasluhu an yakuna mursidan li jama'a. Hal hada ar-rajul yasluhu an yakuna mursidan li jama'atin turidu an tunqida al-umma wa tuslihaha. والله ما يصلح هذا أن يكون مرشدا لتلا ولا لواحد حتى لنفسه لا يصلح فكيف يكون المرشد العام للعالم لإخوان كله وهو على هذا المنهج ولكن ماذا تريد من جعل الغراب له دليلا مر به على جيف الكلاب أو يمر به على أضرحة الشرك والخرافات وهذه أسوأ من جيف الكلاب فالذي يمرك بك على جيف الكلاب هذا هين ولكن الذي يمر بك ويدعوك ويتركك في أو حال الشرك والأضرحة ودعاء غير الله هذا أشد. Maintenant, à votre avis, cet homme qui décrit ainsi dans son livre, qui parle ainsi dans son livre, qui néglige le monothéisme à ce point-là, et qui ne blâme pas l'associationnisme qui se fait autour d'eux. Est-ce que cet homme, hein, a la capacité, est-ce que cet homme, on peut le mettre à la tête d'un groupe qui veut sauver la communauté musulmane, et qui veut faire le bien à la communauté, remédier au mal qu'il y a dans la communauté. Cet homme, on ne peut même pas le mettre le chef de Troie, le chef de lui-même. Il ne le mérite pas. Comment on a mis à la tête le guide général des Ikhwan à travers le monde? Et il est sur cette voie-là, cette voie que vous avez entendue. Mais celui qui a pris le corbeau comme guide, il le passera sur le cadavre des... sur les cadavres puants. Mais ça, cette situation, elle est moins pénible. Mais peut-être il va le passer sur les mausolées de l'associationnisme. Mais ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Parce que te faire passer sur un cadavre puant, tu vas peut-être tomber, évanoui par l'odeur nauséabonde mais te faire engloutir dans l'associationnisme, hein, et te pousser dans l'associationnisme, et te réconforter dans, te réconforter dans l'associationnisme, ceci est pénible, c'est détruire ta vie et, ton au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala salam al-afiyah. وسمعت أن عمر التلمساني يزعم أنه يجوز دعاء الرسول بعد موته وطلب الاستغفار منه لما؟ وهو المرشد العام للإخوان المفلسين أي المرشد للعالم آخر الإسلام. ولما يجوز هذا؟ لأنه فقط صراف صوفي خرافي ما تربى على التوحيد والسنة ولا تلقى العقيدة الصحيحة فهو لا يرى منكرا وليس في الأمر شرك ولا إلحاد ولا وثنية كما يقول. وهذه نظرة قاصرة وخاطئة وهي نظرة من لم يتشبع بالعقيدة الصحيحة والغريب أن يقول أن هذا أمر تدوق كأن القضية أصبحت قضية شرب قهوة أو شاي. Tu as entendu qu'Omar Talamsani prétend qu'il est permis de demander à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam durant sa vie et lui demander du'a durant sa vie d'aller le voir aussi une fois qu'il est mort, qu'il te fasse dua. Alors qu'il est le guide général d'El Ikhwan, le guide du monde entier. Pourquoi il permet ça, de demander au prophète? Parce que c'est un soufi fini. Il est englouti dans le soufisme et dans les histoires à dormir debout. Il n'a pas été éduqué sur le monothéisme et sur la sunna. Il n'a pas reçu le dogme authentique. Il ne voit pas le mal. L'associationnisme pour lui, ce n'est pas un mal. Il n'y a aucun associationnisme pour lui. Et ça, c'est une vue limitée. Hein? Et c'est une vue, une vision de quelqu'un qui n'a pas été nourri avec des croyances avenantes. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que dans la situation, il voit que ce n'est qu'une question de goût. C'est comme si on lui serve un verre de thé ou là un verre de café. Subhanallah. فالشرك الأعظم الذي يخلد صاحبه في النار إن مات عليه ولا يغسل صاحبه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له لأنه مشرك. هذا عند التلمساني ومن نحوه تذوق. تأمل هذا التهوين أخ الإسلام، تأمل هذا التهوين بالشرك. فهذه مصيبة عظمى ما بعدها مصيبة ووبال. نسأل الله لنا ولكم التبات. الغرانت أسوسيسيونيزم كي فيك سي لا بيرسون مور أسوسياتور va être éternellement au feu de l'enfer, et qu'il ne faut pas le laver, il ne faut pas le mettre dans un linceul, il ne faut pas l'enterrer avec les musulmans, il ne faut pas lui faire dua parce que c'est un associateur. Ça, chez Omar Talamsani, et ceux qui ont suivi sa voie, ce n'est qu'une histoire de goût. Mais dites avec moi comment on néglige le monothéisme, et comment on ne donne pas l'importance à ce danger qui est l'associationnisme. Et ça, c'est une énorme catastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. ثم قال فما بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام للإخوان المسلمين. ثم يتابع فيقول هل المنهج الإخواني العقدي الذي يخرج من أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان نتاجها إن كان هذا نتاجها وهؤلاء من رجالها ومرشديها وقادتها. وأقول وهذا القول للشيخ النجمي جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزى الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو أحرف يكتبها خير الجزاء. ثم قال toujours ici les paroles sont à العجمي rapporte الشيخ النجمي حفظه الله تعالى. Regarde à ce mélange, il dit l'Ajmi. Regarde comment il néglige le monothéisme et le dogme. Jusqu'à ce qu'il est arrivé que le dua des morts, quand on est dans une impasse, c'est une question de goût. Il n'y a pas d'associationnisme. n'y a pas d'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal, comme le prétend le, comme vous l'avez entendu, comme le prétend le guide général des Ikhwan al-Muflisin. Et il continue de dire, est-ce que cette voie d'Al Ikhwan, cette voie au niveau des dogmes, qui nous a sorti des hommes, qui a formé des hommes comme Talam Sani, est-ce que ça c'est une voie salafie sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de nuage? C'est une salafie claire. Est-ce que ce groupe qui met à sa tête et qui accepte des gens pareils dans son milieu et qui met à sa tête un homme pareil, est-ce qu'on peut dire de cette voie que de ce groupe c'est un groupe salafi? Tabban, à loin, au lointain, à cette salafia. Dans le résultat, dans les fruits, c'est ceci. Ce sont des hommes comme Omar Talam Sani, et comme Saïd Hawa, et comme Hassan al-Banna al-Hudaybi et autres. Au lointain. Ça, regarde, parce que par son résultat, tu connais quelque chose. Le pommier, tu le connais avec quoi? Il a donné une pomme. Et jamais, un pommier va te donner une colocante, ou là, la colocante va te donner un pommier. Ah, il y a que. Regarde ce qu'il t'a donné. L'éducation qu'il a reçue, il t'a fait que cet homme, arrivé quand il est à la tête du groupe, pour lui, l'associationnisme, c'est une histoire de goût. Tout simplement. Qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est pas la voix du puiseur, Douala. Et la voix du puiseur est innocente des opinions de ce genre de personnes. Hein? Et Cheikh Najmi, de dire que Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, il y a Ajmi. Il est un cheikh au Koweït. Que Allah subhanahu wa ta'ala te récompense et qu'il récompense tous ceux qui font triompher le dogme du monothéisme avec une parole qu'ils disent ou avec des lettres qu'ils écrivent. Que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Fa kalimatu al-ajmi hal al-manhaju al-ikhwani al-aqadi alladhi yukhriju mithla al-talamsani manhajun salafi la ghubar alayh. وكلمة منهج الإخوان سلفي لا غبار عليه هذه كتبها جاسم المهلهل أحد رؤوس الإخوان في الكويت في كتاب للدعاة فقط كتبه للدفاع عن هذه الجماعة وحزبه وسطر في هذه الكلمة عندما تناول منهج العقيدة عند الإخوان دوك لا بارول ديال العجمي سيكا سيتي الشيخ نجمي حفظه الله تعالى اسكو لا فوا ديال الإخوان او نيفو دي دوغم سيتي كي نوزا سورتي دي زيكزومبل كوم تلمساني اي اوتر. Est-ce que c'est une voie d'El Salaf dans laquelle il n'y a pas de nuage, il n'y a pas d'ambiguïté? Et la phrase, est-ce que la voie d'El Ikhwan, c'est une voie salafi sur laquelle il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de nuage? Ça, c'est la parole qu'avait écrit Jasim al-Muhalhal dans un de ses livres où il défend son parti, où il défend l'Ikhwan al-Muslimin. Et ça, c'est l'une des têtes d'El, l'Ikhwan al-Muslimin au Koweït. Et il a écrit, et quand il est arrivé au passage des croyants chez l'Ikhwan, il a dit que c'est une voie au niveau du dogme dans laquelle il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien. En critiquant Cheikh Al-Ajmi, il a sorti les catastrophes qu'il y a chez les têtes. Pas chez les poussins, et c'est les disciples, non chez les têtes. فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم إن كنت يا مهلهل ما تعلم ما عند الإخوان من خرافات وثوام وضلالات فهذه مصيبة وهذا يدل على أنك لست فقيها بالواقع وإن كنت تعلم ما عندهم من ثوام وضلالات ومع ذلك تقول منهجهم لا غبار عليه فالمصيبة أعظم. أين الأمانة؟ أين الصدق؟ أين النصيحة؟ وأين الحكم بما أنزل الله الذي ملأتم الدنيا به وملأتم السجون بشباب المسلمين بإطارة الفتنة بهذه الكلمة فمن ثمارها تعرف. Donc maintenant ya muhalhal, est-ce que tu sais parce que si tu sais pas ça c'est une catastrophe et si tu sais la catastrophe est énorme encore. Est-ce que ya muhalhal tu sais la voie sur laquelle sont les ikhwan ou pas? Est-ce que tu connais les histoires à dormir debout? Et les catastrophes, et le diluge de catastrophes et d'égarements qu'il y a chez l'Ikhwan? Si tu le sais pas, ça c'est une mosriba. Et si tu le sais, c'est encore pire. Et ça, si ça prouve quelque chose, ça prouve que le muhalhal, ne connaît pas le quotidien, le waqi', comme ils disent. Souvent, ça leur plaît, fiqh le waqi', fiqh le waqi'. Mais en réalité, ils ne connaissent rien de fiqh le waqi'. Et s'ils connaissaient la voie sur laquelle ils étaient, ils connaissaient leur catastrophe. Ben là, c'est énorme encore chez Allah Azza wa Jal. Où il est la confiance? Où il est la véracité? Où il est le fait de conseiller la communauté? Où il est le fait de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal? Parce qu'au moins leur phrase, juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal. À tel point qu'ils utilisent cette phrase qu'ils ont envoyé un déluge de jeunes dans les prisons, avec cette phrase, qu'ils utilisent n'importe comment. وقال الشيخ النجمي هذا الذي دون فكيف بما لم يدون أي هذا الذي ظهر وكيف بالذي أخفي ويقول الشيخ أبو مالك أنه لاقي شابا مصريا في المسجد النبوي من الإخوان ودرس في الشريعة ويزعم أنه سلفي وأول ما لفت نظره السبحة في يد هذا الشاب ثم أخرج له الشاب كتابا مطبوعا طباعة فاخرة لملا علي قاري في الأوراد محققه محققة من عبد العزيز قاري الذي كشر عن أنيابه وأظهر صوفيته اليوم ويقول الشيخ إذا بهذا الكتاب مؤلف على الطريقة الصوفية أذكار السبت أذكار الأحد أذكار الاثنين وهكذا فنصحه الشيخ أبو مالك وقال له هل هذه طريقة صحيحة وهل هذا التأليف تأليف يشبه تأليف طريقة العلماء وهذا الشاب بدل أن يستمع لنصح الشيخ أخذ يجادله فاكتشف الشيخ أنه إخواني متشرب بالتصوف لا يقبل النصح لا بهذا ولا بهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون فقال الشيخ أنصحه عن الصوفية أم أنصحه عن الإخوانية فإذا به لا يقبل لا هذا ولا هذا الشيخ النجمي nous a dit que des catastrophes chez l'Ikhwan. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Va voir ce qui n'a pas été écrit. Et Cheikh Abou Malik dit qu'une fois, il a rencontré un jeune égyptien dans la mosquée du prophète, qui a étudié dans la fac de la législation. Sharia. Il prétend être salafi. La première chose qui a attiré l'attention du Cheikh, c'est le chapelet à la main de ce jeune. Et il a discuté avec, et tout d'un coup, le jeune lui sort un livre, édité dans des feuilles, très riches, etc., une édition très belle. Et ce livre, il a été authentifié, c'est un livre d'Yal Adhkar, authentifié de Moulla Al-Qari, authentifié par Abdelaziz Al-Qari, qui a montré qu'il était, qui a montré ses dons, en quoi c'est un soufi. Aujourd'hui, il le dit clairement. Et tout d'un coup, le cheikh, il prend le livre, il le feuillette, il l'ouvre. Il voit que le livre, il est écrit selon la voie d'Yal Soufi. Les invocations du samedi, les invocations du dimanche, les invocations du mardi, et ainsi de suite. Enfin, il a commencé à lui faire le conseil. Tout d'un coup, Hada, au lieu d'accepter le conseil, il commence à polémiquer avec. Et le cheikh, il s'est rendu compte qu'il était Ikhwani. Alors, le cheikh, il dit, est-ce que je vais lui faire le conseil sur l'Ikhwaniya ou là sur Soufiya? Je l'ai conseillé sur les deux. Il a dit, il n'a rien accepté. C'est comme, فلو كان إخوان المفلسين يربون أبناءهم وتلامذهم على المنهج السلفي لا على الصوفية ومبادئ الجماعة لاعتلذل هذا الشاب وما جادل بالباطل ولعرف السنة ومزق هذا الكتاب ولم يلتفت إليه ولكن ماذا تريدون ممن تربى في أحضان الإخوانية وتلقى التصوف عنها فهذا نموذج من نماذجهم اي سي سي جون سي لي فرير مسلمون ايديوكي لور ديسيبل اي لور جون سور لا فوا دي بيزور دو الله عليم اي نون با سور لا فوا دي صوفي اي سور لي برينسيپ دو غروپ سي جون اوري تي دروا اوري اكسبتي لا فيريتي اي نوري با بوليميكي افيك لو فو Et il aurait connu Sunna, il aurait déchiré ce livre. Et il ne serait pas retourné, il n'aurait donné aucune importance à ce livre, à la base. Mais là, qu'est-ce que tu veux? De celui qui est éduqué chez l'Ikhwan, et qui est éduqué, qui reçoit dans le ménage, l'Ikhwan Tassawuf. Ça, c'est un de leurs exemples. Et je te cite un de nos exemples ici. Hamd Mokhtar fait des trucs. Il y a parmi vous qui, des fois, écoutent une radio qui vient du Nord, là. Hein? Hada, c'est l'une des têtes d'Yel Ikhwan aussi. Et un jour, il y a un jeune qui va le voir et qui lui parle du Subha, du chapelet. Est-ce que c'est dans la Sunna ou pas? Hada, il tourne sa veste et lui dit, tu veux parler de ça? Donc, il l'avait sur lui, mais lui-même. Lui, un da'i, il l'avait sur lui. Il dit, tu parles de ça? Et après, en discutant avec le jeune, etc., il lui a conseillé d'aller au Maroc et d'aller s'y agir pour prendre un wird. Ah, c'est normal. Normal. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ils sont autour de toi. Pas besoin d'aller en Égypte. Et là, en Europe. Ils ont, soi-disant, bac plus 4. Ils sont cartésiens, mais disons, rationnels, mais Allah al-Musta'an. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé le cœur. Tu peux rien. La guidée vient min Allah. La clairvoyance min Allah. Thabat min Allah. Kullu shayin biyadillah. Ansa Allah subhanahu wa ta'ala intubidna. Nanzukna al-basirata fi dinina. Wa an yudimana ala hada al-manhaj hatta nalqah. Al-mulahadatu al-sabi'a. La septième critique. انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصافية والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة ثم قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأورادها ووظائفها وهذا أمر مرت الإشارة إليه. Donc la septième critique, c'est que Hassan al-Banna, il est adepte du dogme soufi. Et il appartient à la tariqa al-Hussafiyya al-Shadiliya. La preuve, c'est lui-même qui l'a dit dans son livre Mudkirat al-Da'wa al-Da'iyya. Et il dit, j'ai accompagné le frère Hussafiyya al-Damanhour et j'étais constant à leur dhikr, à la mosquée d'Yal Tawba, chaque soirée. Et il a dit qu'on sait d'Abdouhab, celui qui donne la permission et qui donne l'aurad, est arrivé. Il m'a donné l'ijaza, il m'a donné l'ordre de l'aurad et des fonctions d'Yal-Shadiliya. Et ceci, nous l'avons vu au début de cette critique. وقال جابر بن رزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصره وفي دمنهور توثقت صلته يعني حسن البنا بالإخوان الحصافية وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان الحصافية ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع انتهى كلامه رحمه الله. جابر رزق في كتاب dans son livre حسن البنا avec les plumes de ses élèves et de ses contemporains. Il dit, à Damanhour, la relation de Hassan al-Banna était solide, était solidifiée, et solide avec les frères al-Hussafiyya. Et il a été constant à se présenter à leur dhikr, à leur hadra, à la mosquée d'Yal Tawba, chaque soir, avec les frères al-Hussafiyya, et il avait envie de prendre cette voie. Et il est monté en grade du disciple sympathisant au disciple qui a fait l'allégeance. Qui a fait l'allégeance, hein? C'est lui-même qui le dit. Et ce sont ses contemporains et ses élèves qui le rapportent. قال الناقل قلت وقد تعلق البنا في التصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى الشيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته. الشيخ qui nous a ramené ce passage du livre de Hassan al-Banna, il dit Hassan al-Banna s'est attaché au sophisme à un point très fort. Il est allé trop loin dedans. Son attachement était tellement fort jusqu'à ce qu'il voyait son shir dans les rêves. Dans son sommeil, il voit le shir de sa tariqa. Comme il le dit lui-même. Dans Mudkirat al-Da'wa al-Da'iyya. بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته. قال وفي الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك وكان البنا غارقا في التصوف كما قال في مذكراته. Donc, وكانت يقول البنا كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة، فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول. دونك البنا ايتي ا لوريجين دو لا فونداسيون دون اسوسياسيون صوفي حصافي دو بيانفيزونس كوم il l'a dit lui-même dans son livre مذكرة الدعوة والداعية. Il dit, Hassan al-Banna, et à l'époque, il nous a apparu de constituer, de fondre une association al-Mahmoudiya, une association de bienfaisance Hussafit, et j'étais élu comme secrétaire à cette association. Et cette association a été remplacée par l'Ikhwal al-Muslimoun après. Donc l'Ikhwal al-Muslimoun ont pris la relève de qui? D'une association soufi. Il Banna était plongé dans l'associationnisme, comme il le dit lui-même dans ses Mudakkirat. Il dit, on raconte aussi souvenir, les journées qu'il a passées à Damanhur, où il était dans la formation des instituteurs, à l'école des instituteurs, étaient des journées dans lesquelles j'étais plongé dans les sentiments du sophisme et dans l'adoration. C'était une époque où j'étais plongé dans l'adoration et dans Tasawwuf. Et il a dit après, je suis parti à Damanhur. Je suis parti de Damanhur. J'étais rempli de pensées soufis. Et Damanhur, c'est là où se trouve le mausolée du fondateur, du premier fondateur de la Tariqa al-Hussafiya, Hassanin al-Hussafi. Wa qala Mahmoud Abdel Halim, fi kitab al-Ikhwal al-Muslimoun, ahdathum sana'at al-Tariq, safha 1, al-Mujallad 109, وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا، يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جماعي يلفت النظر. محمود عبد الحليم دون سوليفر les frères musulmans, ce sont des événements qui ont fabriqué l'histoire. Page 109, tome 1. Il dit, nous allions toutes les nuits à la mosquée de Sayyida Zainab, quoi, un mausolée. Pourquoi vous allez là? C'est un mausolée. Il y a la tombe de Sayyida Zainab là-dedans. Et là-bas, on fait la prière d'Yal Salat al-Isha. Et après, nous sortons et nous mettons en rond. Et devant nous se met le guide général, Hassan al-Banna. Et Hassan al-Banna commence à réciter, à faire l'anachid, et nous on répète derrière avec des voix embellies, des belles voix qui attirent l'attention. Hadou qui voulait faire le bien de la communauté, ramener la khilafa. Ils se mettent en rang. C'est comme ça qu'a fait Omar ibn al-Khattab, c'est comme ça qu'a fait Omar ibn Abdelaziz, à faire la prière d'Yal Salat al-Isha, et après à sortir et à... Hein? Subhanallah. D'où ils tiennent ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce qu'ils chantent dans ces prières? Ou après ces prières? Il n'y a pas besoin de dessin. Allah al-Musta'an. Falintisab. Falmulahadatu sabi'a ala hadihi al-jama'a annaha tantasibu ila aqidatin soufiya. فعل هذا يفعله أصحاب السنة وأهل العلم ومن هنا تعلم ويتبين لك لماذا الإخوان حولك هنا في أوروبا وأمريكا غارقون في الأناشد ويحيون الليالي بالأناشد في المساجد. Donc la septième critique concerne quoi? Le fait d'appartenir à cette jamaa appartient à des dogmes soufis. Est-ce que ça, le fait de faire l'anashid et de chantonner l'anachid, ça fait partie de la voix du puiseur d'Allah alayhi. Est-ce que les hommes de science, t'as déjà entendu le Cheikh Ibn Baz ou le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, hein? Parmi les contemporains, je te parle même pas des anciens, aucun d'eux, ni Ibn Al-Qayyim, ni Ibn Taymiyyah, etc. D'où il t'apparaît clairement maintenant, ici en Europe autour de toi, pourquoi les frères musulmans sont plongés dans l'anachid et qu'ils font des veillées dans les mosquées en Europe. Et chaque année, tu as une naissance d'un groupe. S'élance des mosquées, éclatement de la rue, Ouais, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Tu sais plus où te donner de la tête. Certains, ils demandent. Allah al-Musta'an. Elle cadre avec son synthétiseur. TTT, BTT. Tu peux t'appeler Claude et tu es musulman. Ah, subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, da'wa il Allah, subhanahu wa ta'ala? C'est comme ça qu'on a vu. Tu peux t'appeler chrétienne et tu peux être musulman. Qu'est-ce que ça veut dire, subhanallah? Vous n'avez pas honte. Hein? Il y a l'anachide, l'alternative. L'alternative. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un Coran. Hein? Qui est la parole d'Allah, azza wa jalla, la parole la plus véridique. Est-ce que nous avons du temps à perdre dans l'anachide? Hein? ويقول الشيخ حفظه الله تعالى فهل سيقتنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة وهم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم الشيخ النجمي حفظه الله تعالى d'interpeller certains de leur dire est-ce que maintenant ils vont être convaincus ceux qui prétendent vivre dans le monothéisme et dans la sunna. Est-ce qu'ils vont être convaincus comme maintenant de ne plus prendre des innovateurs comme imams, de ne plus prendre comme exemple des imams, hein, des innovateurs? Bal wasala bihum hada al-amr ila an yusammun al-banna al-imam al-shahid wa sayyid qutb al-imam al-shahid ila al-yawm wa tadhakkaru قول من حولكم وهم على وهو على رأس المركز الإسلامي ببروكسل وكذلك الذين هم في فرنسا والإخوة في العالم يقولون عن البنا أنه الإمام الشهيد وهنا خطأين عظيمين كلمة شهيد لا تجوز فالله وحده أعلم بالشهيد كما بوب ذلكم الإمام بحق وأمير المؤمنين في الحديث البخاري لا يقال فلان شهيد. Et regardez comment ils prennent les emblèmes de l'innovation et ils leur donnent des titres. Ils disent de Hassan al-Banna, Imam Shahid. Ils disent de Sayyid Qutb, la source de rendre dans les livres et la pensée, c'est le leitmotiv de tous les tkfiri du monde. Ils disent Imam Shahid. Et rappelez-vous, ceux qui sont à la tête d'Yel Dawa ici à Bruxelles, et qui sont en France aussi. Qu'est-ce qu'ils disent aussi de ces deux imams? Allah al-Musta'an. Les imams. Et dans le monde entier, les Khouan, ils disent, le Hassan al-Banna, l'imam Shahid, ils le disent aussi de Sayyid Qutb. Et là, il y a deux erreurs. Le fait d'appeler imam, et le fait de l'appeler Shahid. Le Bukhari, rahmatullah, qui est l'imam par excellence des gens du Hadith, et le prince des Muhadditoun, un chapitre, on ne dit pas de quelqu'un qui est martyr. Car il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans son cœur. Hein? وكذلك كلمة إمام فهل يستحق البنا وسيد قطب كلمة إمام فلم يكن رحمة الله عليهم أصحاب سنة ولا أصحاب عقيدة صحيحة فالإمامة في الدين أول شروطها أن يكون الإنسان على عقيدة سلفية صحيحة والبنا وسيد قطب من خلال أقوالهم وكتاباتهم وما كتب عنهم وما قيل عنهم وما قال عنهم أتباعهم ما كانوا كذلك قد علم كل أناس مشربهم فلا يجوز لنا أن نرفع إنسانا فوق قدره فهذا تغرير بالشباب وخداع للشباب فالإخوان والقطبيون يطلقون كلمة الإمام الشهيد على البنا وسيد قطب وهادوا ليسوا بأنمة ولكن لا حياة لمن تنادي. Donc, le terme imam, est-ce que le Banna et Sayyid Qutb méritent ce terme imam? Ils n'étaient pas, rahmatullahi alayhim, des gens de la sunna, mais des gens d'un dogme authentique. L'imam a dans la religion, la première de ses conditions, c'est un dogme authentique. C'est un dogme salafi, authentique, un dogme des plus aïeux de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. Il banna ainsi que Sayyid Qutb selon leurs paroles et à travers leurs écrits et à travers ce que ont dit leurs contemporains et leurs élèves d'eux et leurs disciples, ils n'étaient pas ainsi. Tout un chacun connaît sa source. Il n'est pas permis qu'on élève des gens au-dessus de leurs de leur rang et de ce qu'ils méritent, parce que c'est trahir la communauté, trahir la jeunesse musulmane. Et l'Ikhwan, c'est que le Khotbiyoun, Imam Shahid Hassan al-Banna, Imam Shahid Shahid Khotb, etc. Et ceux-là, ils ne sont pas ainsi, ce ne sont pas des imams. Mais, qu'est-ce que tu veux? Allah al-Musta'an. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله